Alors, encore une question entendue au vernissage de l'exposition mardi. Il y avait un certain nombre de gens qui se demandaient, mais au final, qu'est-ce que Pierre Maraval a voulu montrer de la science avec cette exposition? Est-ce que vous avez voulu montrer quelque chose? J'ai pas voulu montrer quoi que ce soit de la science, j'ai voulu montrer des personnalités, des personnages qui sont dans la science et qui œuvrent dans la science sans autre, sans prétention, sans message particulier. Simplement, il y a 1000 messages qui viennent des chercheurs et je les montre, je les mets un peu en lumière. Moi, j'ai pas d'autre ambition que ça. Si ça a des implications, c'est à ces gens qui sont à l'extérieur de le dire.